Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Eh bien, bonjour à toutes et tous. C'est bien évidemment l'heure du mag. Un mag où aujourd'hui on va parler littérature, mais aussi convivialité et gastronomie, puisque c'est un tout depuis plusieurs années. Un lieu un peu particulier fait vivre les rencontres littéraires en Touraine, l'Auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau. Dans ce lieu, eh ben, on y vient autant pour les mots que pour les mets. Hein. C'est une formule qu'on aime bien employer, mais qui est tellement vraie. Des auteurs, des journalistes, des intellectuels viennent régulièrement rencontrer le public dans une ambiance chaleureuse, mais aussi accessible. Et pour nous présenter les prochaines dates et l'esprit de ces rendez-vous, eh bien, je reçois Christophe Lagorce, gérant avec Jean-Marie Hay de cette auberge de la Treille et qui anime également ces rencontres. Bonjour. Bonjour Marlène, comment allez-vous? Ça va bien Christophe, on était en train de se faire la remarque, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas échangé ensemble. Tout à fait, c'est toujours un vrai plaisir de revenir ici dans les studios de Radioactive. Et c'est un plaisir partagé. Alors Christophe, avant de nous parler de la belle programmation qui nous attend, pour celles et ceux qui ne connaîtraient encore pas ces rendez-vous et ce lieu qui est l'Auberge de la Treille, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quel est le principe de ces rencontres ? Le principe est très simple, il faut remonter à octobre 2011, date à laquelle nous avions programmé la première rencontre culturelle, à l'époque avec un duo, Cécilia Duterre et Joël Schmitt, ce qui me permet de rendre un petit hommage à Joël qui vient de nous quitter il y a quelques semaines. Et c'est vrai que depuis, les rencontres ont pris leur vitesse de croisière. Au départ, il fallait imaginez à peu près une rencontre tous les mois, puis une rencontre toutes les trois semaines, puis une rencontre toutes les deux semaines. Et là, maintenant, depuis plusieurs années, nous sommes passés quasiment à une rencontre hebdomadaire. Même si cette semaine, nous n'avons pas de rendez-vous, nous nous retrouverons la semaine prochaine, à savoir le jeudi 19 mars. Voilà. Donc, l'idée était au départ très simple, faire vivre les mets et les mots, comme vous l'avez dit si justement, en zone rurale, amener des auteurs, amener des livres, mais pas que. Ça peut être des artistes, à savoir des musiciens, des comédiens, dans un lieu qui se veut au départ extrêmement généreux, ouvert, d'où le mot « auberge ». On y dîne, on y échange, on y dort et on y écoute différentes formes de culture, essentiellement, c'est vrai, des écrivains, mais pas que, c'est ce qu'on essaye de faire tout au long de l'année, de diversifier, de mettre en scène cette culture qui parfois est extrêmement attaquée, et en particulier dans les zones rurales. Et vous faites bien d'apporter cette précision. Comment ça se déroule une soirée culturelle à l'auberge ? Alors, j'ai pour habitude de répondre que ça se déroule bien. Mais oui, en fait, très souvent, la soirée est programmée à 18h30 ou à 19h. Mm-hmm. Tout dépend du jour. Et en général, voilà, on a à peu près 90 à 100 minutes d'entretien avec l'invité autour d'une thématique qui a été préalablement définie. Et ensuite, en fonction du nombre de personnes, il peut y avoir un échange avec le public. L'entretien est mené par moi. Et ensuite, vient le moment des dédicaces où là, il y a un vrai échange qui se noue parce que certaines personnes n'ont pas forcément envie de prendre la parole devant les autres et préfèrent s'adresser à l'auteur comme ça en prise directe, en face à face. Donc au cours de cette dédicace, il y a un cocktail qui est servi et après, si les clients le souhaitent, ils peuvent rester dîner. Est-ce qu'on peut évoquer la partie tarif, Christophe ? Oui, effectivement, nous sommes restés à un tarif extrêmement modeste, à savoir 13€ pour la partie cocktail conférence. Et si les gens souhaitent rester dîner, cette participation passe de 13 à 7€. Mmh. Et ensuite, on tombe dans le classique, à savoir une entrée, un plat, un dessert, une entrée, plat, dessert. Voilà les tarifs de l'auberge. Mais on rappelle, 13€ pour la participation et si on reste dîner, la participation n'est plus que de 7€. Mmh, très bien. J'avais envie de vous demander un petit retour sur l'accueil de Patrice Lecomte qui a eu lieu il y a très peu de temps. Oui, comment ça s'est passé? C'était la première soirée de l'année, effectivement, Marlène. C'était au mois de janvier dernier. Et nous avons eu vraiment une joie immense de retrouver Patrice Lecomte, d'autant plus que l'après-midi, il a pu échanger avec les élèves du lycée d'Amboise suite à la projection du film Ridicule. Ça, c'était un très grand moment. Près de 100 élèves rassemblés au cinéma d'Amboise. Et puis le soir, là, il a retrouvé un public qui lui est cher, venu pour La fille sur le pont. C'était le film que nous avions choisi. Et ensuite, une rencontre plus classique autour de son livre La tentation du lac aux éditions Artaud. Donc, il y avait beaucoup d'émotions parce que Patrice ne fait jamais les choses à moitié. Il a tout donné, tant auprès des élèves que le soir auprès du public venu nombreux, puisque là encore, nous avions plus de 80 personnes réunies autour du film et autour de cette rencontre. Patrice n'a pas la langue de bois et ça, c'est formidable parce qu'il répond à toutes les questions en toute honnêteté, sans jamais emprunter de chemin de traverse. Donc, c'est très agréable de l'interviewer. C'est très agréable aussi d'échanger avec lui en face à face. Il est extrêmement accessible. Et c'était vraiment un très grand moment. Et l'émotion était palpable tout au long de l'entretien, surtout quand on a évoqué ses souvenirs de réalisateur avec certains acteurs auxquels il doit tant. Et ces acteurs lui doivent aussi énormément. Oh, que oui. Je pense en particulier à Jean Rochefort, Michel Blanc, Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle, qui ont beaucoup compté dans sa filmographie. Et c'était aussi très, comment dire, très émouvant de revoir La fille sur le pont plus de 25 ans après sa sortie. C'est un magnifique film, un duo ô combien majeur, magnétique. D'un côté, Vanessa Paradis et de l'autre, Daniel Auteuil. Non, mais on est toujours très heureux de retrouver Patrice Lecomte. C'était la troisième fois, Marlène. Et mais puis, il est très attaché à la Touraine, Patrice Lecomte. Hein, oui, il est né à Paris, mais il a grandi à Tours, voilà. Où son père était médecin obstétricien et sa maman sage-femme. Et d'ailleurs, moi, j'avais eu le plaisir, vous voyez, Christophe, de rencontrer Patrice Lecomte lors d'un ciné-débat qui avait eu lieu au cinéma Le Régent à Montrichard il y a de nombreuses années, puisque c'était au moment de la sortie de Mon meilleur ami avec Danny Boone. Ah oui, avec Danny Boone et Daniel Auteuil aussi. Et Daniel Auteuil, absolument. Et je me rappelle de l'humilité de cet homme très accessible, effectivement. Non, mais c'était une belle façon d'ouvrir 2026, que pour nous, cette année est très particulière. C'est une année charnière. C'est le 15e anniversaire des soirées. Donc, toute l'année, toute l'année est ponctuée d'événements très particuliers. Je l'évoquerai tout à l'heure, comme celui du 21 mai au château d'Amboise. Eh ben, allons-y sur cette programmation. Alors, beaucoup de rendez-vous sont évidemment programmés, comme vous l'avez dit. Eh ben, c'est parti, allons-y, dites-nous tout. Oui, une année riche en événements. Alors, il y a les soirées classiques, les soirées attendues, je dirais, qui se passent en général de façon très organisé, on va dire ça, j'aime pas trop ce mot-là, mais les soirées auxquelles le public est habitué, avec des auteurs que nous connaissons, et puis des auteurs qui viennent pour la première fois. Ce sera le cas de Laure de Chantal la semaine prochaine pour une thématique qu'on n'a jamais abordée, à savoir Marguerite Yourcenar, première femme entrée à l'Académie française, première femme à avoir été éditée dans la Pléiade de son vivant, ce qui est très rare. Je rappelle qu'elle est décédée en 1987, mais elle a été académicienne en 1981 et ensuite éditée dans la Pléiade en 1983. Donc on avait envie justement en ce mois de mars de rendre hommage à un des écrivains les plus emblématiques de ces, on va dire, 60 dernières années. Un parcours extrêmement vibrant. Il y a certes la femme en tant qu'écrivaine, majeur. Et puis, il y a aussi la femme engagée en faveur, en particulier, de l'écologie, bien sûr, mais aussi des minorités, et toujours éprise d'une envie insatiable de liberté. Donc voilà, c'est une thématique qu'on n'avait jamais abordée à l'auberge, et on a choisi un titre très énigmatique, Marguerite Yourcenar, « C'est qui, c'est quoi ?» Ah. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ce titre, c'est Laure de Chantal. Laure de Chantal, essayiste très brillante, est là qui publie son premier récit littéraire après de nombreux essais. Elle s'est intéressée donc à cette femme, Marguerite Yourcenar, qui la fascine et qui l'a accompagnée depuis sa plus tendre enfance. Et donc c'est un dialogue entre Laure de Chantal et Marguerite Yourcenar, qui en fait l'a suivi tant dans ses nuits que dans sa plume. C'est un très très beau livre, vraiment. Et puis c'est aussi l'occasion de revenir sur un parcours ô combien... atypique, oui. Voilà, atypique. Donc cette auteure de langue française, exilée là-bas aux États-Unis, dans le Maine, plus exactement dans cette petite ville qui s'appelle Petit Plaisance, où elle avait organisé sa vie en toute discrétion. Et donc on verra comment elle vivait au contact de la nature, au contact des animaux, tout en écrivant. Non, mais c'est un très très beau livre, et puis une couverture magnifique avec ce visage, très apaisant. Voilà, Laure de Chantal, Yourcenar avant les autres. Donc ce sera le jeudi 19 mars, une soirée à laquelle on tient énormément, parce qu'il ne faut pas oublier le combat en faveur des minorités, et en particulier des femmes. Voilà. Donc, c'est le mois de mars. Tout est dit. Le jeudi 19 mars à 18h30, on rappelle d'ores et déjà qu'une réservation est obligatoire, Christophe. Obligatoire, c'est un grand mot, mais indispensable. Voilà, c'est très, plus... très recommandé. C'est ça, vivement recommandé. Ça vous va comme terminologie ? Voilà. C'est parfait. Alors, on continue avec vous. Donc, la semaine suivante, un auteur qu'on n'attendait plus, en fait, souvent demandé, mais finalement, la patience est récompensée, Lionel Duroy, pour en fait deux livres. Alors, le livre qui est sorti, Un mal irréparable aux éditions Mial et Barreau, sur les mensonges qui prennent souvent une place considérable au sein des familles, et plus particulièrement là, un écrivain, Frédéric Riergel, qui ressemble étrangement à Lionel Duroy, découvre très brutalement que ses parents lui ont menti, et en particulier lui ont menti sur les tortures que les communistes roumains leur ont infligé au début des années 50. D'accord. Donc, ces mensonges au sein de la famille familiale qui ne cessent de nous embarrasser et qui ont une place extrêmement importante. Faut-il les révéler ? Si oui, à quel moment ? Comment ensuite les appréhender et comment les surmonter ? Apprendre à vivre avec ces mensonges qui, à un moment, deviennent des vérités. On est sur de l'autobiographie, là, par rapport à... Peut-être pas, Lionel Duroy n'est pas très âgé, c'est peut-être un... Non, mais ça y ressemble étrangement. Uh-huh. Donc, c'est un livre, comme je l'ai dit, publié il y a maintenant déjà quelques mois chez Mialet et Barreau, et aussi pour un deuxième livre qui, lui, n'est pas encore sorti, que nous aurons la primeur de présenter à l'auberge, puisque le livre officiellement sort chez Flammarion le 10 avril prochain. On a déjà le titre de ce... Oui, mais alors là, je suis désolé, Marlène, je l'ai totalement oublié, mais je sais que le libraire aura la chance de venir avec ce nouveau livre. Sinon, on appelle Lionel, si vous voulez, on va lui poser la question directement. Tout à fait, mais là, j'ai un trou. Je vous présente toutes mes excuses. C'est pas grave, Christophe, vous êtes tout excusé. Donc, ce mal irréparable aura lieu le vendredi 27 mars. C'est ça. À 18h. Et déjà, pas mal d'inscrits, parce que Lionel Duroy est un écrivain qui a su élargir son public au fil de son œuvre, et c'est vrai que ça faisait très très longtemps qu'on l'attendait, et là on est très heureux de le recevoir pour ce livre qui est vraiment éblouissant à tout point de vue, extrêmement bien écrit, c'est une écriture très délicate, très ciselée, comme on les aime. Et puis en plus, c'est un charmant monsieur. Voilà. Ce qui ne gâche rien. Non, ce qui ne gâche rien. Je rappelle qu'il a quand même eu le prix Renaudot des lycéens et le prix Joseph Kessel il y a quelques années. C'est un auteur déjà très installé et qui est à la fois reconnu par l'ensemble des critiques et par le public. Mmh, dont la réputation n'est plus à prouver. Voilà. Bien sûr. C'était tout pour la partie qui a été communiquée sur les petites affichettes de la dernière programmation. Alors, quelles sont les surprises qui vont nous attendre par la suite hein? Oui, je vois que vous êtes très informés de tout ce qui se passe à l'auberge. Bon, bah, une soirée, une année sans Éric Alary ne serait pas véritablement une année réussie. Bah, surtout pour la 15e année. Voilà, c'est ça. Donc, il est venu en mars 2025 et là, il est de retour avec ce livre qui vient juste de sortir chez tous nos amis libraires et que vous pourrez trouver chez Lu et Approuvé à Amboise, qui est du Général de Gaulle. Absolument. Amboise. Voilà, une très très belle couverture. Oui. Qui a été colorisée, bien sûr. Les femmes sous l'occupation aux éditions Perrin. Donc, une fois encore, c'est une plongée au cœur des années 40, les années les plus sombres, les plus viles de notre passé. Et il s'est intéressé en particulier à ces femmes au foyer, mais pas que, ces femmes dans les champs, ces femmes dans les usines. Qui devaient remplacer les hommes. Voilà, partis au front. Voilà. C'est encore un très grand livre signé par l'historien Éric Alary, mais moi je ne vois plus l'historien, je vois d'abord l'ami, toujours fidèle à l'auberge et qui, pour chaque livre, accepte les invitations qu'on lui lance, et c'est toujours un plaisir de l'écouter parce que c'est un très brillant conteur qui nous embarque dans ces histoires de l'occupation avec ce livre qui met en avant à la fois les femmes opprimées mais les femmes qui s'émancipent. Et puis les femmes qui ont tenu le pays. C'est ça, mais tout bien à sûr. Fait. Alors opprimées par le travail, bien souvent par des conditions de travail extrêmement difficile, extrêmement féroce, mais aussi émancipée et qui finiront par obtenir le droit de vote au moment de la libération. Donc merci aussi au général de Gaulle. Ne l'oublions pas. On remarque plusieurs hommages aux femmes là, hein, sur cette. Oui, parce que c'est très, je dirais, c'est très important pour nous de revenir à des thématiques qui sont toujours extrêmement parlantes, fédératrices, et puis des thématiques qui nous permettent aussi de réfléchir à ce que demain pourra être. Voilà, c'est souvent dans le passé, je pense, que l'on pioche, que l'on se plonge. Pour tirer des leçons. Voilà, pour tirer des leçons. En principe, c'est pas toujours le cas. Voilà. En tous les cas, on le voit, même je faisais cette allusion aux femmes parce que dans la programmation, c'est le cas, mais je veux dire, par rapport à votre, aux différents auteurs et autrices qui viennent, on a une vraie parité. Là, on voit qu'il y a. Ah, ça, c'est très intéressant ce que vous me dites parce qu'on nous a souvent reproché. Il y avait trop d'hommes. Voilà, de privilégier. Ben là, c'est pas le cas. Les hommes. en fait, la programmation se fait aussi en fonction des disponibilités, ben, vous imaginez bien, et des thématiques. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais là, donc, écrire l'histoire de l'occupation, c'est aussi. Aussi, comme le dit si bien Éric, scruter au plus près sa société, le fonctionnement de celle-ci, donc c'est de la micro-histoire, et c'est aussi réfléchir à la place des femmes, donc et d'une double domination, celle d'un régime autoritaire, celui du maréchal Pétain, la France de Vichy, et celle d'un régime patriarcal, et il a fallu beaucoup de temps pour s'en échapper. De ce régime patriarcal. Voilà. Donc, rendez-vous le 2 avril prochain. Avec Éric Alary. Avec Éric Alary, que vous connaissez peut-être. Ah ben, parce que vous m'en parlez souvent, mais j'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer. Non, parce que c'est un régional de l'étape. Il habite Bléré. Il est enseignant à Descartes à Tours. Donc, je suis sûr qu'il serait extrêmement heureux, Marlène, que vous l'invitiez à votre micro pour évoquer son parcours d'histoire. Avec grand plaisir, j'en serais ravie. Voilà, parce bah, écoutez, que, je le note. Vraiment, je lui dis. Très bien. La semaine suivante, donc une femme, Geoffrine Donadieu, pour ce très beau livre chez Gallimard, Aux nuits à venir, c'est son troisième livre, et nous la suivons très attentivement depuis son premier roman, une histoire de France. Alors je dis souvent que Geoffrine fait partie un peu des chouchoutes de l'auberge. Il en faut, n'est-ce pas ? Et elle est extrêmement fidèle. Alors c'est une soirée que nous avons dû reprogrammer parce que malheureusement elle a été victime d'une chute sur un trottoir parisien au mois de décembre dernier et elle a donc dû annuler sa venue. Et là, donc, nous la retrouvons enfin le 9 avril prochain pour ce troisième livre, ce troisième opus, toujours dans la droite ligne de ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire mettre en scène des personnages qui, au départ, n'étaient absolument pas faits pour se rencontrer et que les hasards de la vie vont mettre sur le même chemin. Voilà, c'est une plus magnifique et de on plus... est sur de l'histoire d'amour un peu là. Oui, bien sûr. On est aussi sur beaucoup l'imaginaire et la poésie parce que Geoffrine a cet art de nous plonger dans des histoires extrêmement d'aujourd'hui, extrêmement actuelles, pardon, et ensuite aller un peu vers un monde un peu plus imaginaire. Mm-hmm. Et c'est un très joli livre, très joli titre, vous ne trouvez pas ? Aux nuits à venir. Aux nuits à venir. Voilà, moi j'aime bien faire la liaison. Mais il faut, puisqu'il y a un S. Alors c'est un livre plein de fougue, hein. Comme elle, en fait. Je dis souvent que Geoffrine, c'est un peu un animal sauvage qu'on a du mal à dompter. Mm-hmm. Et on retrouve justement ce côté indomptable et indompté dans ses livres. Voilà. C'est ce qui fait qu'elle écrit si bien, sans doute. Hein. Mm-hmm. Alors, encore une femme, la semaine suivante, pour deux livres. Alors là, c'est un petit peu, je dirais, la programmation fétiche du libraire d'Amboise, Isabelle Duquesnoy, pour sa série. Donc, le livre 1, L'oiseleuse de la reine, qui lui se passe en 1786. Et puis ensuite, La baronne de minuit, qui, lui, se passe en 1789. Alors, c'est une écriture extrêmement sensuelle pour évoquer, donc, l'avant-révolution. Et c'est très particulier dans le sens où, vraiment, là encore, les femmes jouent un rôle. C'est un petit peu, comment vous dire, dans l'esprit de ce que faisait Jean Tellet. Mmh. Voilà. Et voilà, avons eu envie de donner la parole à une écrivaine pas encore très connue, mais qui rencontre un succès phénoménal avec ses deux romans. Magnifique d'ailleurs. Oui, hein, les couvertures. Qui vient toujours avec les livres. Ah, les couvertures sont très belles. Elles sont très très belles. Mais ça, c'est Frédéric, hein, le libraire de Lu et Approuvé, qui a eu l'idée. Oui. D'inviter Isabelle Duquesnoy parce qu'il avait beaucoup aimé L'oiseleuse de la reine. C'est quoi une oiseleuse ? Il faut savoir que les oiseaux avaient une place très importante dans la noblesse, dans l'aristocratie. Alors là, je ne sais pas en fait si c'était pas une façon pour une femme d'échapper à sa condition, puisque à l'époque, en 1786, les femmes avaient deux fonctions. Soit elles étaient destinées au couvent, soit elles étaient destinées au bordel. Non, mais c'est terrible. Oui. Hein. Pour les femmes qui n'étaient pas, je dirais, dans les cercles du pouvoir et qui n'appartenaient pas à l'aristocratie. Et là, donc, il s'agit d'un portrait de femme, Liselotte, qui épouse un riche et vieux baron, le baron de Beaupré. Et donc, sa fonction, bien sûr, est d'assurer... La descendance, vous avez tout compris. La lignée. Donc, donner, si possible, un enfant. Un fils, tant qu'à faire. Voilà, c'est mieux si c'est un héritier mâle. Et donc, il impose à la jeune Liselotte une vie à laquelle elle n'était absolument pas préparée. Et il l'initie aux usages de la noblesse et à l'élevage de ses chers oiseaux. D'où le titre. Vous voyez, j'ai essayé en même temps de récupérer votre question. Mais ça répond parfaitement. Voilà, d'où le titre, L'oiseleuse de la reine. Et donc, elle va se rapprocher très progressivement de la reine Marie-Antoinette. Donc on est vraiment dans les cercles du pouvoir. Hein. On est un peu comme dans le film de Patrice Lecomte, Ridicule. Mmh. On approche le pouvoir par l'intermédiaire de gens qui n'étaient pas préparés à tomber dans ce milieu de l'aristocratie. Voilà, donc Isabelle Duquesnoy sera notre invitée le 16 avril prochain. Deux livres merveilleux. Hein. Frédéric en parlerait beaucoup mieux que moi, parce que lui, il a eu l'avantage déjà de lire quasiment les deux tomes, et moi, je n'ai fait que parcourir le premier livre. Je n'en suis pas encore à la lecture décortiquée et attentive que je peux faire pour chaque invité. J'imagine vos rencontres avec Frédéric, oui. Hein, quand vous préparez la programmation, ça ne doit plus en finir de vos discussions littéraires. On parle beaucoup, oui, effectivement, on échange énormément par SMS. Après, voilà, je le laisse aussi totalement libre, il a des coups de cœur et c'est bien d'en faire profiter à la fois ses clients et les lecteurs et donc les fidèles de l'auberge. Oui, et puis ça, vous savez que c'est une valeur sûre. Oui, et puis c'est vrai que les livres qui ont un fort impact historique intéresse toujours les lecteurs. Oui. On l'a vu la semaine dernière avec Romain Slocomb. Donc, il ne faut pas hésiter à programmer des romans historiques, comme on dit. Mais je n'aime pas trop cette appellation roman historique parce que je trouve que c'est un peu trop réducteur. Mmh. Et là, c'est vrai qu'on est dans une ambiance extrêmement feutrée, mais aussi violente. Il y a tout. Il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la passion. Il y a des trahisons, des affaires de pouvoir. Voilà, c'est ça, c'est formidable. Mmh. Et puis, on a envie de faire découvrir des auteurs qui n'ont pas encore la notoriété de certains. Donc là, c'est le cas avec Isabelle Duquesnoy. Voilà, pour 16 deux avril. Livres, vraiment. Deux tomes. Mmh. Mais ça se lit très, très facilement. Voilà. Et donc, la semaine suivante, nous aurons une soirée particulière puisqu'elle aura lieu un samedi. Alors, je ne vous ai pas apporté le livre. Nous aurons deux auteurs, à savoir Bénédicte Vergès-Chaignon et Nicolas Raguenaud. C'est ça, voilà. Absolument. Voilà. Pour un livre qui nous ramène aussi à des années sombres, les années d'occupation. Et vous savez, le fameux studio photo Harcourt, mm-hmm. Où tant de vedettes du cinéma, mais aussi de la chanson, ont été photographiées. Alors, ce studio avait la particularité, il l'a toujours, de vous photographier en noir et blanc. Voilà, et donc les deux auteurs du studio Harcourt se sont intéressés à la vie de ce studio sous l'occupation, parce qu'il n'a pas fermé ses portes et a continué à accueillir quelques célébrités, mais aussi quelques inconnus mm-hmm. qui venaient pour, en quelque sorte, se faire photographier de façon éternelle. Et voilà, et donc on s'est intéressé à ceux qui venaient, celles et ceux qui venaient soit individuellement ou en famille pour avoir une photo signée Harcourt. Donc c'est un livre extrêmement précis dans l'aspect historique. Ça, c'est le côté Bénédicte Vergès-Chaignon qui, elle, raconte la vie du studio Harcourt sous l'occupation, puisque elle est historienne. Et son collègue, lui, Nicolas, s'est intéressé plutôt à la mise en page du livre et à commenter les photos. Voilà, donc d'accord. C'est un très beau livre, parce que vous avez l'aspect historique, vous avez l'aspect, je dirais, oui, du studio sous l'occupation, mmh. et puis vous avez aussi ces hommes et ces femmes qui, eux, viennent pour des photos personnelles. C'était très à la mode. Donc, aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins, parce que ça coûte très cher de se faire photographier chez Harcourt, mais on peut toujours demander les tarifs, Marlène, on pourrait peut-être faire une photo, vous et moi. Eh ben, chiche, Christophe. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera le samedi 25 avril. Un ouvrage qui s'appelle Harcourt, les années noires et grises. Voilà. Donc d'où photo au noir et blanc. Sous l'occupation, bien sûr. Vous pensez qu'Éric Alaric sera dans les... Oui, parce que Éric Alaric, c'est un ami très proche de Bénédicte Vergès-Chaignon. Ah. Voilà, vous voyez, le petit Fédépont. Monde. Et là, c'est très amusant. C'est la réflexion que tous les deux m'ont faite. À savoir, c'est la première fois que nous partageons l'affiche de l'Auberge de la Traille. Nous sommes sur le le même mois, en fait. C'est très amusant. Lui, il est au début du mois et elle, elle est pratiquement à la fin du mois avec Nicolas, donc pour une soirée duale. Le 25 avril. Je sais pas si je me suis 19h. Fait comprendre parce que j'ai donné beaucoup d'informations. Si, c'est voilà. Très clair. Voilà. C'est très clair. Donc, Bénédicte, c'est un beau livre, mais qui se lit un peu comme un livre d'histoire et qui se lit aussi comme un livre d'époque. Comprenez, oui. Parce qu'on voit des inconnus qui apparaissent dans ce livre et qui sont là juste pour le plaisir d'être photographiés. Et puis c'était aussi très à la mode pour les officiers nazis. Ah oui. Résident en France, ah oui, d'aller se faire photographier chez Harcourt. Ah, donc on a tout ce monde-là qui gravite autour de la photo. Voilà. Très bien. Donc rendez-vous le 25 avril. C'est un samedi. Attention, ça change un petit peu de la programmation habituelle. On aime bien accueillir Bénédicte les samedis soirs parce que je trouve que ça fait une soirée différente. Ça incite à sortir de chez soi et à ne pas rester dans le canapé devant la télé. Et non. Hein? J'allais enchaîner Christophe sur le dernier rendez-vous du mois d'avril, bien sûr, de cette 15e année des rencontres littéraires. Voilà, bon, un auteur très habitué, un des fidèles aussi de l'auberge depuis de longues années, Gilles Paris, que nous recevons pratiquement pour tous ses livres. Alors, il connaît bien le monde de l'édition, puisqu'il dirige lui-même une agence de presse, une agence de communication. Donc, il est des deux côtés de la barrière. Et en l'espace d'une vingtaine, voire un peu plus d'années, il a publié 9 romans, dont le fameux Autobiographie d'une courgette, qui est devenu un succès phénoménal, tant dans le monde de l'édition que dans le monde du cinéma, oui, puisque le livre avait été adapté. Et là, il nous revient avec un très joli livre, avec un très beau titre, c'est clair, L'attrape-mot, qui fait référence bien sûr au livre de Salinger, L'attrape-cœur, et on y parle encore d'enfance, on y parle encore de relations entre les grands et les petits, entre les enfants et les adultes, il y a de l'amour, il y a aussi la crise de l'adolescence, et les troubles que ça peut comporter. Ce sont des thématiques que Gilles Paris a l'habitude de traiter, toujours de cette plume très ciselée. Alors, c'est un livre très court, hein, 160 pages, mais c'est un livre qui vous attrape, sans jeu de mots, dès le départ et qui vous fait aussi beaucoup réfléchir. Voilà, on avait envie justement de lui donner la parole autour de ce dernier roman publié aux éditions Héloïse d'Ormesson, une très jolie maison qui ne publie que des belles choses. Et là, voilà, nouveau livre de Gilles Paris, Autobiographie d'une courgette, au départ adapté en film d'animation, mais aussi au théâtre. Et puis... un auteur qui est vraiment très délicat de par sa plume mais aussi de par sa personnalité, donc on est très heureux de le retrouver un mercredi soir. Un mercredi le 29 voilà. Avril à 18h30. Et je peux dire un dernier mot alors ? Bien sûr. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai apporté ? Napoléon et le monde, 1769-2025. Ah ouais ! Ah ouais ! Voilà, donc je vais dire que maintenant ce livre est quasiment la Bible. D'accord. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et en particulier à Napoléon. Alors, il en aura fait couler de l'encre, voilà. Napoléon. Donc Napoléon au cœur d'une soirée qui sera dans un très bel écrin puisque nous serons reçus, je dirais, comme pratiquement chaque année. Sauf en 2025, mais je crois savoir que le château d'Amboise a eu quelques petits déboires, en effet. Voilà, mais tout va bien maintenant. Avec des remparts. Et donc, nous n'avons pas pu tenir notre soirée annuelle, mais là, ce sera fait le jeudi 21 mai. Alors à 19h30, ça c'est très important, après la fermeture du château au public, dans ce château Renaissance, on va évoquer l'Empire. Avec le grand spécialiste de Napoléon, directeur général de la Fondation Napoléon, professeur associé à l'Institut catholique de Vendée. Il est auteur d'une quarantaine d'ouvrages sur Napoléon. Ce n'est pas Louis Sarkozy. Non, ce n'est pas Louis Sarkozy. Une quarantaine d'ouvrages sur Napoléon Bonaparte, le consulat, le Premier Empire, les derniers mois de Napoléon. Nous l'avions déjà reçu il y a quelques années. Et là, il est de retour pour ce livre qui fait déjà office de référence. Une fois qu'on aura lu ce livre, extrêmement bien documenté, des documents très percutants, parce que il faut savoir que l'iconographie joue un rôle très important dans cette collection chez Belin. Nous avions accueilli à l'époque une autrice pour son Venise dans la même collection. D'accord. Et c'était remarquable parce que voilà, on va dire que après ça, ben, plus rien ne pourra être fait. Et Thierry Lenz signe vraiment un très très grand livre qui se lit comme un roman et illustré. Voilà, c'est un très très beau livre qu'on pourra offrir. Vous le feuilletez devant moi, effectivement. Voilà, c'est magnifique, hein. Toute cette collection est géniale. Et en plus, c'est très agréable à lire parce que Thierry Lenz a une plume remarquable. Et c'est vraiment fabuleux de l'avoir pour inviter le 21 mai prochain. C'est un petit clin d'œil, hein. C'est Marc Mettez qui a choisi cette thématique. D'accord. Voilà. Il voulait casser les codes et sortir un peu de la Renaissance. Et oui. Voilà, c'est ça. Oui, c'est... je parlais d'un petit peu autre voilà, chose que bien. De François Premier. On l'a déjà fait, puisqu'on avait fait la BD autour de Léonard de Vinci au château d'Amboise. Et là, donc, on s'est dit, quelle ironie, parler de Napoléon dans un château Renaissance. Mm-hmm. Voilà, donc ça sera le jeudi 21 mai. Très bien. Et il y a beaucoup d'autres soirées qui s'annoncent. J'espère qu'on aura l'occasion de vous y voir. Marlène, vous êtes toujours invitée. Et absolument, voilà. Vous me le dites très souvent. Des événements inattendus. On aura une soirée lecture, très probablement dans quelques semaines, avec Marie-Christine Barrault. Voilà, vous voyez. Oui, Marie-Christine Barrault qui vient régulièrement aussi, qui est une habituée. Nous l'avons eue une fois. Une fois, une deuxième fois au cinéma d'Amboise pour la soirée hommage à Alain Delon. Oui, donc c'est presque de l'habitude. Oui, c'est vrai. Pierre Assouline aussi est annoncé, Evelyne Bloch-Dano, Cécilia Duterte, de très très beaux rendez-vous. Puis un rendez-vous musical autour de la musique baroque pour fêter le 15e anniversaire pile poil. Le jour J. Non, pas exactement, mais pratiquement le dernier week-end du mois de mai, à savoir le vendredi 29 mai, deux jours avant la fête des mères, on accueillera le quatuor Musica Barocca, comme on le fait pratiquement chaque année. D'accord. Voilà. C'est pas mal. Ah bah c'est même très très bien. Vous voyez, au travers de ces différents rendez-vous, à vous qui nous écoutez, bah, l'Auberge de la Treille, c'est devenu un petit salon littéraire en Touraine. Un grand, absolument, c'est vrai. Faut dire les choses comme elles sont. Non, la littérature au coin du feu, j'ai l'habitude de dire. Mm-hmm. C'est pas mal. Sauf qu'il n'y a pas de cheminée, mais ça pourrait faire... Ouais, mais l'image est là. Voilà, c'est ça. On l'a. Mais bon, on avait envie vraiment de privilégier à la fois des auteurs fidèles et puis de renouveler un petit peu les visages. C'est bien aussi. C'est le cas avec Laure de Chantal, Isabelle Duquesnoy. Ce sera le cas aussi à la rentrée prochaine. Donc voilà, il faut sans cesse se remettre en question pour avancer. Alors, pour les auditeurs qui ont retenu quelques noms, quelques dates, comment on retrouve toutes ces infos-là? Déjà sur le site de l'auberge, voilà, on tape Auberge de la Treille, c'est très facile. Ou alors on nous appelle au 02 47 50 67 17. Ou alors on regarde l'affichage régulier à la librairie Lu et approuvée sur le quai du Général de Gaulle en Amboise. Ou alors on nous envoie un petit mail à contact@auberge-de-la-treille.com. Voilà, c'est pas mal. C'est super. Mais on peut nous appeler, c'est bien d'entendre les voix. C'est le meilleur moyen, justement, de se parler, je trouve. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Je vous en prie, et merci à Radioactive d'être toujours à notre écoute et de nous soutenir dans cette envie un peu folle, dans cette aventure complètement iconoclaste de servir les mets et les mots en milieu rural. Et n'oublions pas que l'auberge reste un restaurant et on peut justement découvrir les bonnes choses que l'on fait au cours de ces soirées culturelles qui sont en fait des mises en bouche. Voilà. Oh, c'est joliment dit. Bah, merci parce que nous, on adore découvrir plein de choses et avec vous, c'est toujours une pluie de découvertes. On vous attend, Marlène, parce que c'est toujours très agréable de vous avoir. Et donc, voilà, venez vivre aussi ces soirées en direct avec nous. C'est noté. Merci beaucoup, Christophe. Au revoir. Donc, vous l'aurez compris, si vous aimez les livres, les échanger, les lieux conviviaux, et ben, ces soirées, elles sont peut-être faites, c'est même sûr, elles sont faites pour vous. Retrouvez donc toute la programmation sur les liens que vous a donné Christophe à l'instant. C'est la fin de ce mag. On se retrouvera dès demain à 18h pour une nouvelle édition. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.